Énergie, il est 6h, on va souhaiter une très bonne fête à vous, dont c'est la fête aujourd'hui, et c'est qui, c'est quoi, c'est Gustave et Serge, voilà. Toute l'actu de la matinée sur Énergie. Cet accident de la circulation. Pour le reste de l'actualité, on voit ça avec Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Si la loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole est validée par le Sénat, les banques calédoniennes auront 5 ans pour s'aligner. Autre avancée importante, la réouverture du dossier sur l'alignement partiel ou total du tarif de l'électricité sur celui de la métropole et des DOM. Pour la deuxième année consécutive, le programme 100 femmes leaders propose une formation d'une semaine à 25 femmes investies dans le développement du pays ou de la tribu. La semaine bleue se termine par l'élection de Miss et Mister Senior au Centre culturel de Dambéa. Les lauréats sont Nelly. Michel Valls, lui, a annoncé un objectif de construction de 33 nouveaux établissements pénitentiaires, soit 16 000 cellules supplémentaires pour remédier à la surpopulation carcérale en France. Enfin, en prévision du passage de l'ouragan Matthew sur ses côtes, les États-Unis ont évacué plus de 2 millions de personnes. Barack Obama a déclenché un plan d'urgence en Floride. Le bilan dans les Caraïbes est toujours de 102 victimes, dont 98 en Haïti, et risque de s'alourdir. Puis à noter que jeudi, en milieu de journée, un second ouragan, Nicole, cette fois-ci, s'est formé. Véhicule impliqué dans cet accident. Puis moi, je dis bravo, bravo à cette jeune sœur. Et 4 minutes au cours de cette matinée, on va vous offrir, en plus de la musique, de l'info, eh bien, il y aura des places de cinéma, si vous voulez passer. C'est comme des week-end. Classes vertes après, tu sais. Ils vont passer une semaine. Ah d'accord, tu reviens sur les jeunes, là. Ouais, ah, oui, toujours. D'accord, ok. C'est ça, c'est ta immersion. Voilà. Place de cinéma ce matin, c'est à gagner. Vous pouvez déjà envoyer ciné au 3511 231 francs le SMS. D'énergie, c'est un jour un événement. Et cet événement, le 7 octobre 1948, on va parler de la deux pattes. Eh ben oui, la deux chevaux, c'est au salon de Paris, au salon de l'automobile. C'est encore en ce moment le salon de l'automobile d'ailleurs, mais après la présentation de la TPV en 1939, Citroën peut enfin faire aboutir son projet de voiture économique et désormais dénommé deux chevaux, en référence à la puissance fiscale voulue sur le cahier des charges. Le succès est immédiat et dépasse même Citroën. Face aux commandes, l'attente atteint rapidement les 3 à 5 ans. La production débute en 1949 et la gamme s'étoffe dans les années 50. On aura différentes versions, la version Charleston, l'une des plus récentes, la deux chevaux camionnette et tant d'autres. Deux chevaux fiscaux. Est-ce qu'il y a encore des voitures qui font si peu? C'est limite des boosters leur truc. Énergie 6h09, je vous rappelle que vous jouez avec nous ce matin. Il y a encore des places de cinéma à gagner. Deux invitations pour le film de votre choix. Envoyez ciné au 3511 231 francs le SMS. On fera le tirage au sort tout à l'heure à 7h10. Énergie Nouméa

Le point établi par Météo France. Ce matin, le soleil domine sur le sud et l'ouest, même s'il est parfois voilé par des nuages d'altitude. Ailleurs, ces nuages sont plus épais et masquent temporairement le soleil. On arrive à cet après-midi. Le voile de nuages d'altitude se morcelle et laisse souvent passer le soleil sans altérer l'impression de beau temps. Le vent de sud à sud-est se maintient, 10 à 15 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins. Il reste établi à sud-est entre 15 et 20 nœuds ailleurs. Samedi, à les températures, oui, les maximales, elles sont comprises entre 25 et 30 degrés. Samedi, la poursuite d'un temps très ensoleillé avec de nombreux nuages d'altitude malgré tout. L'Alizé est moins virulent sur la côte ouest. Il est de sud-est de 10 à 15 nœuds le matin et 15 à 20 nœuds l'après-midi. Enfin dimanche, c'est une journée ensoleillée même si des nuages se développent sur le relief et débordent sur le nord de la côte est en fin de journée. Pouvant donner des averses, le vent d'est-sud-est faiblit dimanche. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Nina Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. En provenance d'Anoumambo, Magic System. Scalp! C'est encore nous, hein? Toujours nous! Toujours! La base des magiciens. Zouglou. Abidjan, c'est pas gâté. Zouglou. C'est ça, hein? La base des magiciens. Zouglou. Chez nous, là, on dit à fond. Zouglou. La base des magiciens. La joie. Alors mon ami, pourquoi tu veux pas danser? Tu sais pas danser, c'est pas compliqué. Faut t'élever, laisse-toi ensorceler. Chez nous à Abidjan, on est toujours dans la joie. Malgré nos problèmes, on est toujours positif. Si tu es positif, il faut toujours danser. Il faut danser, la danse des magiciens, Zouglou. Abidjan, c'est pas gâté, Zouglou. La danse des magiciens, Zouglou. Chez nous, là, on dit à fond. Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Azoumalé, Sigi, voilà, voilà, la danse voilà, des magiciens, Zouglou. Voilà, tu commences à comprendre la chose, hein. Zouglou. La danse voilà, des magiciens. Il faut te lever pour danser. Zouglou. On dit quand tu as la musique et tu t'assois, ça porte malheur. Zomina mina sangalewa, zomina mina sangalewa, zomina mina sangalewa, zomina mina sobregas. Voilà. Zomina mina sangalewa, zomina mina sangalewa, zomina mina sangalewa, zomina mina sobregas. Zouglou. La danse des magiciens. Zouglou. Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, Sigi, Abba, ça finit. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Vous gagnez en ce moment des places de cinéma où vous jouez pour les gagner par un tirage au sort tout à l'heure à 7h10. Envoyez ciné au 3511. On est le vendredi 7 octobre. Bonne fête à Serge et à Gustave. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Les banques calédoniennes auront 5 ans pour aligner leurs tarifs sur la moyenne nationale. La loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole était donc examinée la nuit dernière à Paris à l'Assemblée nationale. Philippe Gomez a fait voter 7 amendements pour améliorer la situation calédonienne dans ce texte qui visait initialement surtout les DOM. Un des plus marquants concerne l'alignement des tarifs bancaires en Calédonie sur ceux de la métropole. Si la loi est validée par le Sénat, les banques calédoniennes auront 5 ans pour le faire. Autre avancée importante, la réouverture du dossier sur l'alignement partiel ou total du tarif de l'électricité sur celui de la métropole et des DOM. De son côté, Sonia Lagarde a fait passer un amendement permettant d'augmenter l'armement et les prérogatives des policiers municipaux. La semaine bleue se termine par l'élection de Miss et Mister Senior. Il y avait beaucoup de monde et d'ambiance pour la première élection de Miss Mamie et Mister Papi, Nouvelle-Calédonie 2017. C'était hier après-midi au Centre culturel de Dombéa. À l'issue des défilés des présentations des 20 candidats, les lauréats sont Nelly Timana, 84 ans, originaire de Lifou, et Paul Joseph Irep, 75 ans, de Martinique. Hier dans l'après-midi, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été retrouvés à l'intérieur même commune de l'enceinte du camp Est. Mais rassurez-vous, filles et garçons n'avaient aucune intention de libérer un détenu, mais bien de gagner du temps pour rejoindre à pied le lycée Jules Garnier. Ils ont ainsi été aperçus en train de marcher sur la plage du centre pénitentiaire. Les intrus, encore loin du domaine de la détention, ont été immédiatement stoppés par les surveillants de l'administration pénitentiaire. Ils ont ensuite été raccompagnés à la porte de la prison où la police nationale les attendait pour les contrôler. En métropole, l'ancien patron de la PJ parisienne, Christian Flèche, a été mis en examen dans une enquête pour trafic d'influence pour laquelle l'ancien directeur du renseignement, Bernard Scarsini, est déjà poursuivi. Donc il a été mis en examen pour violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, ainsi qu'entrave aux investigations. Enfin, les États-Unis sont en alerte avant le passage de l'ouragan Matthew. Le bilan dans les Caraïbes est de 102 victimes, dont 98 en Haïti. Il risque de s'alourdir. L'ouragan Matthew, l'un des plus puissants de ces 10 dernières années, il est désormais classé en catégorie 4, s'apprête dans les toutes prochaines heures à frapper le sud-est des États-Unis. Barack Obama a déclenché un plan d'aide fédérale pour la Floride en décrétant cet état d'urgence. Le président peut ainsi débloquer les moyens fédéraux pour coordonner les secours. Alors, plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral atlantique. Vendredi dernier, les vents de cet ouragan avaient atteint 260 km/h. Le président, donc Barack Obama, a averti qu'il s'agissait d'une tempête sérieuse et a donc appelé les Américains à la vigilance. Jeudi, en milieu de journée, un second ouragan, Nicole, s'est formé au large des Bermudes à l'est de Matthew. Nicole souffle à 130 km/h et pourrait se renforcer légèrement dans les prochaines 24 heures. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Moi démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Savez-vous que le bidule a été trouvé hier et que c'était aux alentours de 150 000 francs que la cagnotte a permis à notre auditeur de gagner 152 000 précisément? C'est Ben qui a trouvé qu'il s'agissait d'ouvrir une boîte en carton, ouvrir et non pas déchirer du carton, bien ouvrir une boîte en carton. Et bien dans cette boîte en carton, Ben a trouvé 152 000 francs. Oh, je vais regarder ce qu'il y a, s'il n'y a pas des boîtes par ici à la radio quand même. Un nouveau bidule démarra ce matin, en tout cas pour l'horoscope et les prévisions, vous dire si vous avez peut-être des chances de gagner, c'est maintenant. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent vendredi. L'horoscope ce 7 octobre avec les béliers. Depuis quelques jours, vous traversez une période importante dans votre vie sentimentale. Une rencontre est programmée. Taureau, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous pourriez ne pas maîtriser votre nervosité. Gémeaux, c'est vendredi et on vous tente par tous les diables pour sortir et vous céder. Cancer, vous serez dans le même état d'esprit que ces derniers jours. Autant dire que ce ne sera pas folichon. Lion, votre bande d'amis est essentielle à votre épanouissement. Les Vierges, aujourd'hui, c'est votre partenaire qui souhaite prendre des décisions. Balance, si vous êtes célibataire, vous bénéficierez toujours des aspects bienveillants de Vénus. Un peu d'indulgence, les Scorpions seraient bienvenus afin de préserver une relation. Une fois de plus, les Sagittaires, vous voilà en proie à une furieuse envie de renouveau. Capricorne, vous vous sentirez débordé, ne cesserez de vous agiter dans tous les sens. Pour ce qui est des Verseaux, eh bien vous recherchez de la tendresse et de l'affection. Vous ne serez pas déçus. Poisson, cher ami célibataire, on peut dire que vous profitez de la vie et sans aucune limite. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. short, don't waste it. Above the head will leave with water. And when it will hurt, we can't choose it. It's top like it's the clock. Take advantage of every moment. Give thanks and praises to our parents. And love this day could be the last one. And if you wait, the time will run. When you see your loving people dying every day, there is no word to explain. What you feel inside each day, you know, just touch the surface, see where it fades. Remember life pulls on by thread, a pool of discord the world contain. Up to positivity, cause life here is up and under the wind. I know that death is fatality. It leaves behind a void which we cannot feel. You only see. Waste it, above the head will leave with water. And when it will hurt, can't choose it. Stop like it's the last. Take advantage of every moment. Give thanks and praises to our parents. And love this day could be the last one. And if you wait, the time will run. When I see your loving people dying every day, there is no word to explain ya. What you feel inside each day, you're not just up, the death is the way it fades. Remember life holds on by thread, a fool of disco, the world container. Yes, it's positive. Aïe, aïe, à l'instant sur Énergie. Vite, le Morning Energy. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Je vous parle de Serge dans un instant. Auparavant, on va voir la une de l'info sur Énergie. À 7h, ce sera... Eh bien, ça sera l'Assemblée nationale qui débattait dans la nuit de mercredi à jeudi de l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole. Eh bien, apparemment, Philippe Gomès a fait passer une série d'amendements et un pour aboutir à une forte baisse des tarifs bancaires. Et JB, on en parle à 7h. Ah ben, bien sûr. Les Sergius, c'était une grande famille romaine et le prénom Serge vient de ce nom de famille. Le prénom Serge fut très populaire en Russie au 15e siècle. En France, Serge connaît un succès entre les années 50-60. Aujourd'hui, cette tendance est inversée. Serge se fait de plus en plus rare. On a compté 26 naissances de petits Serge en 2009, alors qu'ils étaient environ 8000 à voir le jour en 1952. Serge est un intellectuel qui a constamment besoin de nourrir son âme. Serge n'aime pas les artifices et la vie mondaine. Il préfère le brut, le vrai, l'authentique. L'âge moyen de Serge est de 66 ans. Énergie Nouméa, 93.5. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile, outillage et peinture automobile, 27 87 87. Optique 2000, c'est trois boutiques plus proches de vous. Place des Cocotiers, rue de l'Alma et Ansvata. Optique 2000. Une nouvelle vision de la vie. Une adresse pour vous meubler. Meubles Import, des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Vendredi, grande soirée d'anniversaire des Thanks God It's Friday. Thank God It's Friday. Les soirées Lounge, Deep House et Shy de Nouméa. À cette occasion, le deck met les petits plats dans les grands et vous accueille dès 17h dans ses jardins. Deux scènes, 7 DJ. Agor X, L and Mr. T, Bogan, Théo et Tom Tom dans les jardins du deck. Et pour une fin de soirée explosive, full ESE. Entrée libre, dress code, fluo. Fluo. Thank God It's Friday. Thank God It's Friday fête ses 2 ans. Rendez-vous vendredi. Soirée en partenariat avec Sheps, Caraïbos et DNC. Plus d'infos sur le Facebook du deck. Thank God It's Friday. À Tougouchou présente le Titi Park, premier parc d'acrobranche pour les enfants de 3 à 10 ans. Partez à l'aventure en toute sécurité sur parcours certifié. Youhou ! En plus, le parking est assuré. Réservez en ligne sur www.titipark.nc. Plus de renseignements au 46 27 27. Oui, à bientôt au Titi Park. Jusqu'au 8 octobre, la boutique Abysse Plongée fait des bulles. Pour tout achat de 20 000 francs, une matinée de plongée bouteille vous est offerte. Découvrez toute la gamme Marès chez Abysse Plongée. Vente de matériel de plongée, SAV assuré. Abysse Plongée, Marina, Port du Sud, Baie de l'Orphelinat ou sur Facebook. Abysse Plongée, s'équiper, plonger, partager. Dundea fête la jeunesse samedi 8 octobre au Skatepark de Kuutio avec la 2e édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graphe, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulette préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au Skatepark de Kuutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundea, événement en partenariat avec Énergie. J'aime vivre. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. La baisse des frais bancaires est votée, puis l'ancien patron de la PJ vient à son tour d'être mis en examen. Enfin, l'état d'urgence est décrété aux États-Unis avant le passage de l'ouragan Matthew. Vendredi 7 octobre, bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Les banques calédoniennes auront 5 ans pour aligner leurs tarifs sur la moyenne nationale. La loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole. Miser le pays. Pour la deuxième année consécutive, le programme 100 femmes leaders, organisé par le secteur de la condition féminine du gouvernement, propose une formation d'une semaine à 25 femmes investies dans le développement du pays ou de la tribu. Cette initiative a débuté en 2015 et doit se poursuivre jusqu'en 2018. L'objectif est de rendre plus efficace et plus pertinent le travail des femmes formées, mais aussi de valoriser leur leadership. L'approche adoptée pour cette formation privilégie les échanges pour créer du lien. Leur activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de ces femmes-là. On part de leur potentialité, de leurs problématiques et elles ont des manques. Par exemple, elles ont identifié beaucoup de freins à leur émancipation. Par exemple, elles disent qu'il n'y a pas suffisamment de concertation et de dialogue entre les hommes et les femmes. C'est beaucoup de questions par rapport aux stéréotypes sexistes qui les empêchent de s'affirmer. Elles identifient aussi des inégalités entre les hommes et les femmes qui les empêchent d'avancer comme elles veulent. C'est une demande des femmes de discuter entre elles de toutes ces questions-là pour pouvoir ensuite mieux entrer dans l'action avec les hommes pour le développement du pays. La formation se déroule à la tribu de Ouaté jusqu'à la fin de la semaine. Après les premiers constats réalisés par les élèves, Roland Trolu suggère que la clé de la réussite se trouve sans doute dans la communication. La semaine bleue se termine par l'élection de Miss et Mister Senior. Il y avait beaucoup de monde et d'ambiance pour la première élection de Miss Mamie et Miss Papy Nouvelle-Calédonie 2017. Hier après-midi, au centre culturel de Dombéa, à l'intérieur même de l'enceinte du Camp Est. Mais rassurez-vous, filles et garçons n'avaient aucune intention de libérer un détenu, mais bien de gagner du temps pour rejoindre à pied le lycée Jules Garnier. Alors, ils ont été aperçus en train de marcher sur la plage du centre pénitentiaire. Les intrus, encore loin du domaine de la détention, ont été immédiatement stoppés par les surveillants de l'administration pénitentiaire. Ils ont ensuite été raccompagnés à la porte de la prison. La police nationale les attendait pour les contrôler. L'actualité en métropole, et c'est au tour de l'ex-patron de la PJ d'être mis en examen. Christian Fleisch a donc été mis en examen dans une enquête pour trafic d'influence, pour laquelle l'ancien directeur du renseignement Bernard Skersini est déjà dans le projet de loi de finances pour 2017, permettront donc de lancer 9 chantiers de maisons d'arrêt, soit 3900 cellules, et 28 quartiers de préparation à la sortie, soit 2400 cellules. Une quarantaine de préfets concernés vont devoir identifier d'ici le 16 décembre les zones disponibles pour accueillir les maisons d'arrêt. Les États-Unis sont en alerte avant le passage de l'ouragan Matthew. Et le bilan dans les Caraïbes est de 102 victimes, dont 98 en Haïti. 260 km/h. Il était donc à ce moment-là classé en catégorie 5. Le président américain a même averti qu'il s'agissait d'une tempête sérieuse, appelant les Américains à la vigilance. En Floride, sur laquelle devrait passer le cœur de l'ouragan, des sacs de sable ont été distribués gratuitement, les péages levés afin de faciliter l'évacuation. Tu connais Marathon Man ? On en a déjà parlé ? Robert Young ? Oui, je me souviens plus bien. Ouais, vas-y. Je sais, j'aime bien te piéger un peu. Depuis 2014, quand même, il se targue d'avoir couru 370 marathons. Ouais. Donc c'est un ultra-runner, comme on l'appelle. D'où son surnom, c'est une véritable célébrité aux États-Unis. Et cette année, son objectif, c'était en fait de parcourir en solo plus de 4441 km en 46 jours, en fait, de traverser les États-Unis. Il va pouvoir traverser malgré la météo ? Il a été un peu stoppé. Parce qu'il se passe que son principal sponsor a mené l'enquête. Ils ont quand même nommé 2 experts indépendants. Ils se sont rendus compte, d'après le rapport, qu'il a bénéficié d'une aide autorisée, à savoir qu'il a parcouru certaines portions en voiture plutôt qu'en courant. Bon, lui, en fait, il devait quand même faire 96 km 500 par jour. Donc là, les trois quarts, visiblement, il a fait en voiture. Il a fait en voiture, d'accord. Bon, il y a peut-être un record là-dedans, mais pas celui auquel on pensait. Du coup, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a un autre runner, Pete Kosielnik, qui... Quelques instants. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52. sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. Burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Right by my side, for gas in a Chevrolet. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet. Won't stop till you satisfy. If I want to, I'll wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening. Cause our love is like a heat wave. Bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico, Païta et Point Boot. Le coup de fil gagnant du matin pour les places de cinéma. Alors, c'est un SMS qu'on a reçu. Oula, bientôt 6h05. Personne n'est peut-être parti prendre un petit déjeuner. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Comment ça va ? Oui, ça va, ça va. Je suis le monsieur qui prend des nouvelles des gens le matin. C'est sympa comme métier. Ah, je me disais aussi, ça faisait bizarre. Ah. En fait, moi, je travaille aux urgences de Gaston Bourret et je travaille de bonne heure le matin. Très bien. Eh bien, deux places de cinéma, c'est gagné pour toi. Quel est ton prénom ? Karen. Karen. Ah oui, puis à l'approche du week-end, ça doit commencer à bouger un peu chez vous, là, non ? Oh oui. Ouais. Voilà, donc je conseille aux gens d'éviter de boire en conduisant. Tu pratiques. Voilà, c'est gagné pour les places de cinéma. Il y a plein de bons films en ce moment. Il y a des séries dramatiques. Il y a du Radin. Ah ouais, je vais le voir, ça m'a l'air sympa. Ah bah, en plus, si tu vas voir Radin avec deux places gratuites, à mon avis, ma fille, t'es en plein dans le sujet. Merci, ça vient, ouais. Eh non, en tout cas, tu es généreuse et tu donnes de ton temps. C'est bien, Karen. On t'embrasse, ne raccroche pas. Bonne journée. Merci d'avoir joué avec Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie 93.5. Comment résister à la tentation d'une glace Magnum à 150 francs? Jusqu'au 16 octobre, Magnum vous propose tous ses parfums à seulement 150 francs. Offre valable dans tous les points de vente participant à l'opération. Pour votre santé, bougez plus. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Vous avez plus de 24 ans ? Vous êtes passionné d'automobile ? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. Jusqu'au 30 octobre à la 7, c'est le moment de... À offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madeco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madeco, c'est Madeco autrement. Plus de 40 pilotes, un seul titre.

tremble quand je parle de toi. Le temps passe mais ça ne passe pas. Tu m'as dit je serai toujours là près de toi. Et je commence à comprendre. Dans ma chambre je chantais des airs. Tu écoutais, tu étais si fière. Sur tes joues quelquefois des larmes j'arrêtais. Qui aime voir sa mère pleurer. Tout mon cœur sonne, sonne, sonne, sonne. Dans tes yeux j'ai trouvé ma voix. Tout mon cœur sonne, sonne, sonne, sonne. Tu me manques mais tu es là. Les anges passent mais ne restent pas. À mon tour j'ai pleuré. Wari Nishan, on l'a entendu hier dans la première partie de son spectacle. La suite, ça vaut le coup, vous restez avec nous. Tu dis ok, je vais pas regarder les chaînes d'info, tu vois, je vais regarder du sport. Tu tombes sur qui? Karim Benzema. Alors le mec qui parle, tu comprends rien du tout, ça n'a aucun sens. C'est simple, en fait, une phrase de Karim Benzema, c'est 17 mots, aucun cadre, zéro but. Bon, je trouve on est un peu dur avec Benzema parce que il est mis en examen, donc pas sélectionnable en équipe de France, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont mises en examen et qui restent sélectionnables pour la présidence. Non, c'est vrai, peut-être. En fait, avec, avec la mise en examen, tu peux diriger un pays, mais pas un ballon. C'est ça. Et moi j'aime beaucoup Karim et j'ai essayé de trouver une solution pour qu'il arrête de parler. Et j'ai remarqué que le seul moment où il ferme sa bouche directe, c'est quand il entend l'hymne national français. Alors je lui dis, on pourrait tous se cotiser et payer une fanfare qui le suit partout. Et dès qu'il part, alors j'ai dit ok, je vais pas regarder la télé, tu vois, je sors prendre l'air, tu tombes sur quoi? Sur les manifestations contre la loi El Khomri. Bon, fallait que ça tombe sur El Khomri, hein. Mais là, honnêtement, tu te dis, c'était un peu prévisible. Parce qu'après plus de 60 ans de chômage et de discrimination, tu demandes à une arabe de faire une loi sur le travail. C'est même El Khomri était là en mode Nicole Kidman dans la pub, je suis là, hey, what did you expect? Est-ce que c'est moi, ou à chaque fois qu'il y a un attentat, le seul témoin qui a tout vu, c'est un Renoir sans papier qui te parle dans un langage dans le fond de 5 ans. Et là, oh d'accord, c'est ton plan ici pirate. Et c'est là où tu te dis, il y a des réfugiés syriens qui veulent quitter leur domicile et aller vivre loin des explosifs, on les laisse pas rentrer. Et t'as des djihadistes européens qui veulent quitter leur domicile et aller vivre sous les explosifs, on les laisse pas sortir. T'as fait un échange d'appartement. J'ai pensé à un site qui s'appellerait RTNC, et tu donnes ça à Jawad. Il gère entre eux. Merci beaucoup, c'était Marie. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités, tous les matins sur Énergie, avec le SAV Samsung Nouvelle-Calédonie, votre SAV agréé niveau 3 Samsung et pièce d'origine garantie. On va parler des anniversaires de, par exemple, Bernard Lavillier. Alors, le nanar, ça lui fait 70 ans. Et Bernard Lavillier, qui était venu chanter en Nouvelle-Calédonie, où il a commencé à travailler très tôt, à l'âge de 14 ans. À 20 ans, il part pour le Brésil, d'où il revient un an plus tard. Il est alors considéré comme insoumis. Il est interné à la forteresse de Metz. Mais oui, pendant un an quand même. Après, c'est une vraie carrière de chanteur qui s'ouvre à lui, à Bernard Lavillier. Bon anniversaire encore à celui qui a joué dans la trilogie X-Men, où il a interprété le rôle de Bobby Drake, alias Iceberg. C'est l'acteur Sean Ashmore. Il a 37 ans. Et puis, j'ai encore une chanteuse qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est 38 ans pour la chanteuse Alesha Dixon. Il y a encore dans les chanteuses Toni Braxton qui en a 49 et Victor Laszlo et son canoë rose, 56 ans. C'était l'anniversaire des célébrités sur Énergie avec votre nouveau SAV Samsung Nouvelle-Calédonie à Ducos, 28 73 2 fois. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. Énergie.

I'm Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Globalement, c'est un beau week-end qui s'annonce du côté de la météo avec une petite chute du vent. Et la fête du jour, c'est Serge et Gustave. Tiens, il est 8h dans la radio. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Si la loi sur l'égalité réelle entre les Outre-mer et la métropole est validée par le Sénat, les banques calédoniennes auront 5 ans pour aligner leurs tarifs sur ceux de la métropole. Pour la deuxième année consécutive, le programme 100 Femmes Leaders propose une formation d'une semaine à 25 femmes investies dans le développement du pays ou de la tribu. La semaine bleue se termine par l'élection de Miss et Mister Senior au Centre Culturel de Dombéalé, lauréat son Nelly Timana, 84 ans, originaire de Lifou, et Paul-Joseph Ireb, 75 ans, de Martinique. Hier dans l'après-midi, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été retrouvés à l'intérieur même de l'enceinte du camp Est. Ils voulaient juste prendre un raccourci pour aller au lycée Jules Garnier. En métropole, l'ancien patron de la PJ parisienne, Christian Fleisch, a été mis en examen dans une enquête pour trafic d'influence dans laquelle l'ancien directeur du renseignement Bernard Scarsini est déjà poursuivi. Manuel Valls, de son côté, annonce un objectif de construction de 33 nouveaux établissements pénitentiaires, soit 16 000 cellules supplémentaires pour remédier à la surpopulation carcérale en France. Enfin, en prévision du passage de l'ouragan Matthew sur ses côtes, les États-Unis ont évacué plus de 2 millions de personnes. Matthew s'est renforcé en catégorie 4 en début de soirée. Barack Obama a enclenché un plan d'urgence. On rappelle que le bilan dans les Caraïbes est de 102 victimes. Et puis jeudi, en milieu de journée, un second ouragan, Nicole, s'est formé au large des Bermudes. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. L'Italie ne s'est pas laissé faire ce matin pour son match comptant pour la qualification du mondial. Amené à domicile par l'Espagne suite à une grosse erreur de Gianluigi Buffon et globalement dominé, l'Italie est parvenue à égaliser sur pénalty. Les deux favoris du groupe G se sont donc neutralisés. Le score est de 1 partout. J-1 avant le match des Bleus. Et la mise en place effectuée ce jeudi soir à huis clos au Stade de France permet d'en savoir un petit peu plus sur les intentions de Didier Deschamps. Ça sera pour le match de demain matin face à la Bulgarie. Devant, si l'on en croit, le 11 aligné lors de la mise en place, Griezmann sera associé à Kevin Gamiero. L'entrejeu sera notamment constitué du duo Pogba-Matuidi. À droite de l'attaque des Bleus, une incertitude pèse encore, mais Sissoko part avec une longueur d'avance sur Coman. Mario Balotelli pourra jouer contre Lyon. La commission de discipline de la LFP a annulé le second avertissement adressé par l'arbitre niçois Mario Balotelli lors du match Nice-Lorient dimanche. Cet avertissement, rappelez-vous, avait précipité son expulsion et sa suspension automatique pour le match contre Lyon le 14 octobre. Eh bien, l'arbitre de la rencontre avait ensuite reconnu qu'il avait pris une décision inappropriée. Balotelli pourra donc jouer contre Lyon dans une semaine. En Formule 1, la famille Bianchi réclame justice et vérité. Ouais, Jules Bianchi, rappelez-vous, a eu son accident le 5 octobre 2014 à Suzuka. Deux ans plus tard, sa famille ne dispose pas encore de tous les éléments de l'accident. Jules Bianchi avait percuté une dépanneuse présente pour dégager la monoplace d'Adrian Sutil, mais les circonstances autour de l'accident restent encore floues. Philippe Bianchi, le père de Jules, estime que toute la lumière n'a pas été faite sur son accident. Il pense que la FIA cache certains éléments. Encore un faux départ pour les Serres d'Auteuil. Trois jours après une autorisation donnée par le Conseil d'État, les travaux du stade de Roland-Garros ont de nouveau été suspendus par un jugement en référé du tribunal de grande instance. La Fédération française de tennis dénonce une décision prise dans des conditions douteuses et s'interroge sur une possible manipulation. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Bonjour. bonjour et bon vendredi. Aïe, je me suis mis le micro dans le nez. C'est rien. J'ai du mal à viser juste le vendredi, je sais pas pourquoi. C'est bête. J'ai un micro, mais je parle avec un micro dans le nez. Mais c'est pas grave. J'ai devant moi la dernière Hit Energy Partie 2016. Si vous aussi, vous voulez retourner toute la maison avec 3 CD, mettre le son à fond et danser jusqu'à pas d'heure, eh bien, vous allez pouvoir la gagner sur Energy. Vous envoyez Hits au 3511 pour gagner cette super compile. Et il y a plein d'exclus dessus. Enrique Iglesias, par exemple, avec Wisin pour Duele el Corazón ou encore Alan Walker, Sing Me to Sleep. C'était mucho tiempo de la chanson dessus. Voilà, donc vous envoyez Hits au 3511 et je vous la ferai gagner tout à l'heure sur les coups de 8h40. Aujourd'hui, on va écouter qui ? On va écouter Dua Lipa, Amy Winehouse. Et puis dans Music News, on parlera de la BO de Miss Peregrine qui vient de sortir au cinéma avec Florence Welch qui chante dessus. Il y aura aussi Bruno Mars qui nous prépare un nouvel album et justement, il a sorti le premier single. Ça s'appelle 24K Music. Et pour débuter, ce sera avec Sean Kerr qui était venu visiter un petit peu la Calédonie et qui a toujours gardé ses deux mains sur le volant. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dit là, two hands on the wheel. Allez, c'est parti. I won't spend my time confined trying just to make ends meet. I'm gonna live while I'm alive, but won't be bullied by the hierarchy. You're never gonna know if you never ever go, and nothing in life comes for free. One opportunity to make things right, I won't die wondering. Life is short, we don't got long, nothing can be guaranteed. If you ain't satisfied and you get it all wrong, you don't get a warranty. So don't sign the line that you don't agree. I'm gonna pack my bags, hit the road. There's so much to see. Success, but true prosperity is health and happiness. You don't gotta do what you don't wanna do, or be who you don't wanna be. Teachers will teach and preachers will preach, but the end of the day we're free. stars on the roof.